Evariste Ndikomanyanga. Merci de rester fidèle à la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Une fillette de 5 ans de la colline Gatunguru Karama a été sauvagement assassinée et son corps retrouvé dans le quartier Yanare. Cela fait près de 2 semaines. Sa maman dit ignorer le motif et les auteurs de cet acte ignoble. Certains parmi les conducteurs de taxi-voiture de la mairie de Bujumbura déplorent qu'avec l'application Guitaro Pass, ils ne sont pas servis en carburant de façon convenable. Et le collectif des associations pour la réconciliation et l'appui aux victimes des crises qu'a connu le Burundi apprécie positivement le travail du recensement des personnes assassinées ou disparues depuis 1885 jusqu'en 2008, activité organisée par la commission Vérité et Réconciliation Sévère et qui a été débutée en date du 11 novembre de l'année en cours. Et dans la chronique sportive de ce lundi, l'on vous parle des défis auxquels font face les entraîneurs des équipes de football avec Olivier Niungeko, président de la Fédération des entraîneurs du Burundi. Voilà pour le sommaire. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. Une fillette de 5 ans de la colline Gatunguru Karama a été sauvagement tuée et son corps retrouvé dans le quartier Yanare. Cela fait près de 2 semaines. Sa maman dit ignorer le motif et les auteurs de cet acte ignoble. Sengiumva Alexis, chef de cette colline située en zone Ruvirizi de la commune Mutimbuzi, précise qu'une personne, le père de cette fillette, a été arrêté pour des raisons d'enquête. Les détails avec Mireille Kanyank. Butoy Milka, c'est cette fille de 5 ans retrouvée morte le 1er novembre, toute nue, décapitée, dans la localité de Yanare, dans des plantations. La maman, mère de 3 enfants, endeuillée par cet assassinat, fait savoir que la petite venait de se réveiller et est partie pour ne plus revenir. Quand j'ai fini de préparer, de cuire le riz, je suis allée chercher l'enfant, mais en vain. Le lendemain encore, je ne l'ai pas trouvé. J'ai alerté les administratifs. Par après, une des autorités d'ici m'a dit qu'un corps vient d'être retrouvé chez l'Ouhara décapité. Il m'a dit que cet enfant, il y a 6 ans, que la mienne allait avoir 5 ans. Arrivée à cet endroit, je ne l'ai pas immédiatement reconnue. Elle avait changé et après, j'ai vu que c'était elle. On l'a enterrée mardi dernier. Elle a alerté l'administration locale, ce que confirme Alexine Sengiyumva, chef de colline Gatunguru Karama, qui informe que le corps a été retrouvé dans le secteur Yanare et ce ne sont pas 2 corps comme le pensait une certaine opinion. Il y a un enfant de 4 ans et demi. Je demande, ce ne sont pas 2, du nom de Butoyi Milka, du secteur Mocho. Il jouait avec ses amis, puis l'après-midi, sa maman l'a cherché et ne l'a pas trouvé. Il a cherché dans le voisinage sans la trouver. Nous aussi, nous avons cherché et avons trouvé le corps dans le secteur Yanare. Là, on y cultive des amarantes. Il n'y a pas de maison. Jusqu'ici, poursuit cette autorité locale, le mari de cette femme a été arrêté pour des raisons d'enquête, se basant sur le fait que le père ne vivait plus avec sa femme et ses enfants. Jusqu'ici, la police continue ses enquêtes. On s'est basé sur le fait que ce couple ne vivait plus ensemble. Cela faisait 3 ans. On a aussi demandé à la famille, le père est au cachot, pour qu'on sache l'auteur d'une telle atrocité. Comme cette localité est entourée d'herbes, On a fait des sensibilisations et on a appelé les parents à être très près de leurs enfants. Il y a une forte circulation le soir. Toutefois, cette femme demande que son mari soit relâché. Il ne peut en aucun cas, dit-elle, être l'auteur de cet acte ignoble. Selon cette voisine, l'enfant ne portait plus d'habit. Quand le corps a été retrouvé, le cœur a été arraché, décapité. Tous demandent que les auteurs de cet acte ignoble soient identifiés et punis. Merci à Mireille Kanyangé pour ce reportage. Je vous le disais en titre, certains parmi les conducteurs de taxi de la mairie de Bujumbura déplorent qu'avec l'application Gitoro Pass, ils ne sont pas servis en carburant de façon convenable. À titre d'exemple, ceux qui devaient avoir 100 litres par semaine se voient attribuer 50. Ils indiquent que cela ne leur facilitait pas la tâche. Ils demandent cependant aux autorités de tout faire pour que cette situation change, pour qu'il n'y ait plus de problèmes en rapport avec la pénurie du carburant dans le pays. Suivez-les. Pour ce qui est de l'application Igitoro Pass, il y a des gens pour qui ça fonctionne et d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Pour ces derniers, ils ont enregistré leur voiture, ils ont tous les papiers, mais ils ne peuvent pas avoir de carburant. S'ils se rendent aux stations-service, ils leur disent de revenir sur leur pas. Avec cette application, Igitoro Pass, les choses seraient faciles si le carburant était disponible. Car tu aurais le carburant si tu te rendais à la queue. Mais le problème qu'on a eu, c'est le fait qu'ils ont diminué la quantité promise. Ceux qui se sont fait enregistrer pour la première fois ont eu 100 litres. Maintenant, tu peux te rendre à une station et que tu achètes 50 litres. En y retournant, on te dit que tu ne peux pas avoir plus. Du coup, tu es coincé. Tu ne vas plus travailler. Les documents perdent leur validité du jour au jour. La voiture est en station. On m'avait promis 100 litres par semaine. On les a diminués jusqu'à 50 litres. Cela n'est pas possible et ça nous déstabilise. Mais nous n'avons pas le choix. On doit se conformer aux directives du gouvernement. À la maison, ce qui se passe, on vit avec ce qu'on a, rien d'autre. On n'a pas de choix. Si nos voitures n'ont pas de carburant, nous les mettons aux arrêts. Comme nous sommes au courant de cette situation qui prévaut, qu'il y a une pénurie de carburant, qu'ils essaient au moins de nous donner 70 à 80 litres par semaine, car si on n'a pas accès à cette quantité, il y a des jours où on ne travaille pas, alors qu'on doit donner des versements à nos chefs. On demande à ce que les responsables essaient tout pour que le carburant soit disponible. De Bujumbura, la capitale économique, rendons-nous à Rumonge. Plus de 2500 litres d'essence et de mazout confondus, environ 700 bidons et rue du pain vide saisis. Tel est le bilan d'une fouille et perquisition effectuée ce dimanche dans le quartier Swahili de la ville de Rumonge, où ce carburant a été frauduleusement vendu. Les sources administratives confirmées par la police de Rumonge indiquent que 3 personnes ont été arrêtées pour enquête, mais que les propriétaires de ce carburant restent introuvables. L'administration locale appelle les commerçants à travailler dans la légalité. Jean-Pierre Messago. C'est lors d'une fouille suivie d'une perquisition opérée entre 9h et 15h de ce dimanche dans 4 maisons qui seraient louées par 2 commerçants à la plage de pêche de Rumonge que ce carburant a été saisi par la police du commissariat provincial de Rumonge. Selon des témoins oculaires confirmés par la police de Rumonge, chez l'un de ces commerçants, 904 litres d'essence, 440 litres de mazout et 559 bidons vides de capacité variée ont été saisis. Et chez l'autre, 1140 litres d'essence, 40 litres de mazout et 110 bidons vides et 2 rodipins vides ont été saisis. Aucun de ces deux commerçants n'a été appréhendé, mais deux de leurs employés et un frère à l'un d'eux ont été arrêtés pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, une infraction qu'ils ont catégoriquement niée, arguant que le carburant saisi est importé de la République unie de Tanzanie et parvient dans la ville de Rumonge à bord des voitures Probox à longueur de la journée, comme certains témoins oculaires le confirment. Dans tous les cas, l'administration communale de Rumonge appelle les commerçants à travailler dans la légalité sous peine de subir des sanctions judiciaires. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais également, titre, le collectif des associations pour la réconciliation et l'appui aux victimes des crises qu'a connu le Burundi apprécie positivement le travail du recensement des personnes assassinées ou disparues depuis 1885 jusqu'en 2008, activité organisée par la Commission Vérité et Réconciliation Sévère et qui a débuté en date du 11 novembre 2024. Comme Ndikumana, président de ce collectif, souhaite que ce travail se déroule dans la transparence et que la justice soit faite afin que les Burundais connaissent la vérité de ce qui s'est passé dans le passé. Suivez-le, traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Ce recensement qui débute aujourd'hui, je pense que ça permettra aux Burundais de connaître tous ceux qui ont commis les crimes, qui ont endeuillé les familles, même de connaître les personnes assassinées et leurs noms. Ce travail ne va pas être clôturé demain ou après-demain. Il va continuer pour arriver à une vraie réconciliation des Burundais, sans distinction aucune. Cette activité n'est pas la première organisée par la CVR. Il est parmi d'autres activités déjà réalisées par la Commission Vérité et Réconciliation. Nous souhaitons que ça soit fait avec attention pour éviter quelques lacunes qui peuvent s'observer. Une activité organisée pour un bien de tous les Burundais. Nous accueillons favorablement ce travail parce que ça va nous permettre d'avoir la vérité dans tout ce que les Burundais ont vécu. Et il y aura la transparence pour connaître les victimes et ceux qui ont perdu les leurs. Et là, les personnes auront des cœurs apaisés. Au sein de Karavi, la vérité est primordiale. S'il y a la justice et que toutes les idées seront orientées vers la vérité, jamais on ne pourra pas retourner en arrière. C'est pour cela que la réconciliation sera possible si les Burundais disent la vérité. Page environnement à présent, les habitants de la colline Moussegni, en commune Mpanda de la province Bubanza, s'inquiètent de l'éboulement des berges des rivières, surtout la rivière Gifugwe, suite à l'extraction illégale de sable accentuée par les débordements de cette rivière suite aux pluies intenses en amont. Ils disent que si rien n'est fait, la situation peut s'empirer. C'est dans ce cadre que les travaux de protection de cette rivière ont commencé samedi dernier avec la plantation de 1515 plants de bambou, une activité réalisée par la commune en collaboration avec l'association Community of Hope. Spes Caritas Kabanyana, correspondance. Des plantures de type bambou qui se comptent à 1515 ont été plantées ce samedi sur les bords de la rivière Gifugwe en commune Mpanda. C'était lors du lancement officiel des activités de restauration des paysages dégradés du parc national de la Kibira et de ses périphéries par le projet Community of Hope, selon Nexon Haonimana, coordonnateur de ce projet. Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Mpanda, a précisé qu'il y a encore des gens mal intentionnés qui font des coupes illicites d'arbres ou encore ceux qui font l'extraction non autorisée de sable dans les rivières. C'est le cas de la rivière Gifugwe dont les bords sont déjà écroulés suite aux pluies intenses en amont qui causent souvent des débordements mais aussi suite à l'extraction illégale de sable selon l'administrateur de la commune Mpanda. Nadine Niwitanga demande à la population en général, surtout aux habitants proches de cette rivière de Gifugwe, de protéger les bambous plantés et de dénoncer à temps tout acte nuisible à l'environnement. Il ajoute que 100 000 plants d'arbres seront plantés cette année dans cette commune. Spécialitas Kawanyana, en commune Manda pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque des équipements modernes sportifs et les fans de clubs qui pointent du doigt les entraîneurs en cas de défaite. Tels sont certains des défis auxquels font face les entraîneurs burundais de football. Olivier Niungeko, président de l'association burundaise des entraîneurs, fait savoir qu'à cela s'ajoute la pauvreté qui s'observe dans certains clubs, causant le retard de paiement des salaires pour les joueurs et les entraîneurs. Selon lui, pour trouver solution à ce problème, les présidents des équipes devraient communiquer avec les entraîneurs sur la vision de leurs équipes dès le début du championnat. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianenge-Nakoumane. Les staffs des clubs burundais ne sont pas complets, ce qui constitue un grand défi pour la communication entre entraîneurs, joueurs et présidents des clubs. Explication d'Ale Olivier Niungeko, président de l'association burundaise des entraîneurs. Jusqu'à maintenant, les staffs des équipes burundais, je dis, c'est pas satisfaisant parce que les autres, ils comptent maintenant sur le staff. Parce que maintenant, on te dit, il y a un autre élément. Et à part jouer au football, il y a la communication. Il faut une bonne communication entre joueurs, entre présidents, entre entraîneurs et présidents, entre joueurs et entraîneurs. C'est-à-dire que chacun doit être disponible pour exécuter ce qui est demandé par l'équipe. C'est-à-dire que tout le monde doit être disponible. Parce que si vous n'êtes pas disponible, il y a des choses qui ne vont pas aller bien. Il faut être professionnel, il faut assumer. Et si tu veux être un bon président ou un bon entraîneur. À cela s'ajoutent des lamentations des fans de certaines équipes qui s'insurgent contre les entraîneurs en cas de défaite. Vous devez collaborer, vous devez être ensemble, vous devez, comme vous voyez les équipes européennes, je donnerai toujours l'exemple de Liverpool. Tu vois les fans, ils gagnent, ils ne gagnent pas. Ils disent oui, on va aller ensemble, on en a un chemin ensemble. C'est-à-dire, ils sont soudés, c'est ce qui nous manque. Parce que la plupart des fois, si tu perds, c'est l'entraîneur, tu perds seul. Mais ils oublient qu'un jour tu vas gagner, on va dire l'entraîneur est bon. Mais on dit, si on gagne, c'est les joueurs qui sont bons. Si on perd, c'est l'entraîneur qui est mauvais. Tu vois, il faut arriver à ce genre de critique parce que ça ne nous avance à rien. Tu dois savoir que si tu veux jouer au football, il y a gagner, il y a perdre, il y a aussi faire l'andro. Les fans, des fois, ils veulent chaque fois gagner. On ne peut pas gagner tous les jours. Mais si tu as perdu, il faut s'asseoir. Il ne faut pas accuser quelqu'un, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais essayons pour voir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Are Olivier Niungeko indique que le métier de coaching au Burundi est également handicapé par le manque d'équipement sportif moderne. Les outils, il y en a beaucoup. Le premier, tu sais, les ballons. Tu dois avoir des ballons, beaucoup de ballons pour qu'il frappe au but, pour qu'il fait des passes, tout ça. Au moins, tu dois avoir un ballon pour deux. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Tu dois avoir les cônes, les échelles. Et selon ce que tu veux travailler, parce que c'est la condition physique, c'est là où on a besoin de ces outils. Mais on peut aussi faire la puissance avec les haies, tout ça. Et ça dépend de ce que l'entraîneur veut. Mais normalement, on doit avoir aussi une salle de musculation pour faut être solide le jour au football. Mais on ne peut pas les remplir tout parce qu'avec les conditions de nos équipes, ça devient difficile. Pour rendre professionnel le football burundais, les présidents des clubs devraient présenter aux entraîneurs des projets pour leurs équipes dès le début du championnat. Et je dirais le football au Burundi, je trouve notre football, il est là. On joue, on a des techniciens, on a des bons joueurs, mais il nous manque surtout le professionnalisme. Parce que quand tu entends le professionnalisme, c'est-à-dire c'est un travail, il doit bosser, tu dois le payer. S'il ne vient pas à l'entraînement, tu vas enlever quelque chose sur son salaire. C'est-à-dire il faut être de vrai professionnel. Parce que à mon avis, on n'est pas professionnel parce qu'on n'a pas encore dit une équipe a voté un budget de ça, ça, ça. Et le président doit s'asseoir et parler avec l'entraîneur pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que l'équipe veut. Tout ça, c'est comme un projet qu'on fait, qui est là, qu'on doit exécuter au cours de la saison et que vous allez jouer. Dans le but de promouvoir le football burundais, le président de l'association burundaise des entraîneurs suggère au président des clubs de mettre en place le poste de directeur technique. Ce dernier pourrait jouer un rôle important dans des formations footballistiques.